passe une nuit d'enfer dans la rue pour un kebab de merde à rue pu. On s'en sent bien, mais c'est desserré. Oi. Une nuit.